arc-en-ciel est exactement 14h03. Michel avec vous jusqu'à 16h, comme chaque lundi, de 14 à 16h. Et c'est cocktail coloré, musique, chanson et accordéon. On va démarrer tout de suite avec Bruno Clair, et ce sera le titre « Laissez-moi vous aimer ». Qu'importe l'avenir, si je dois en souffrir, laissez-moi vous aimer. Un soir d'amour, rien qu'un soir près de vous, c'est mon désir le plus beau. Rythme doux, nous emporte bien loin de tout. vers un pays mystérieux, le beau pays des rêves bleus. Blottis contre mon épaule, tandis que nos mains se frôlent, je vois tes yeux qui m'enjolent d'un regard plein de douceur. Et quand nos cœurs se confondent, je ne connais rien au monde de meilleur. Marinella, reste encore dans mes bras. Avec toi je veux jusqu'au jour danser cette rumba d'amour. Continue avec Gérard Gouni, le chant du gardien. écoute maintenant Charles Jantès, Canada, avec l'orchestre de Franck Pourcel. Le soir levant me redit tout bas des vieux airs charmants. Canada, ton nom qui chante. Les adieux dans la prairie, je crois voir les trappeurs suivant les pistes durcies. Ton destin est à l'image. Poursuit avec Bruno Clair, sans vous. Sans vous, sans vous, sans vous, sans vous, sans vous, sans vous, que voici. Tout doucement, la chanson fétiche des émissions d'accordéon de Radio Arc-en-Ciel, c'est Aurélien et son orchestre, et ça s'intitule, bien sûr, c'est de Roger Cil, ça s'intitule L'étoile des troubadours. Si tu passes par la couronne, prends le chemin du bonheur, tu longeras des falaises, tu sentiras en bien sûr, de mission jusqu'à 16h, avec cette fois-ci Guitare d'amour par Bruno Clair. Guitare d'amour, apporte-lui l'écho des beaux jours. Quand le soir en émoi, va lui chanter pour moi la chanson de mon rêve. Guitare d'amour, pour être heureux le temps est si court. Dis-lui que le printemps ne dure qu'un instant et malgré nous s'achève. Dis-lui qu'il faut savoir laisser surprendre mon cœur par le frisson d'un doux et tendre bonheur. Du sort joyeux, il faut comprendre l'appel charmeur. Guitare d'amour, dans le déclin doré d'un beau jour, à son cœur, rendez-moi, va fredonner pour moi la chanson de mon rêve. Chante, dans la forêt, l'oiseau t'écoute, frileux. Chante, le vagabond suspend sa route joyeux. Chante, la lune rit dans la nuit brune, et le vent siffle sur la dune, la radon reprend des amoureux. Son cœur en mémoire, pardonnez pour moi la chanson de mon rêve. Ah, un mauvais son, c'est un 78 tours de juin 1935, figurez-vous, c'est pas d'aujourd'hui, hein. Presque mon âge, si j'ose dire. Irène Fabrice, et nous chante La nuit sur la ville. Sur la ville couvre les rues de velours, des ombres tranquilles s'embrassent au fond des faubourgs. Un chant de l'obscurité. La lune se farde pour se montrer en beauté. Sur les pavés où traînent. C'est une honte, mais tapez dans les mains quand même, allez. Bien voilà. Ça démarre tout seul, ça s'arrête tout seul. Et avant la Basile. En voiture les voyageurs, la chenille part toujours à l'heure. Accroche tes mains à ma taille, pour pas que la chenille déraille. Tout ira bien si tu veux, prie la chenille et le bon Dieu. Et tout, et tout ne fait pas pareil. Et eux deux extrait de l'émission de Patrick Sébastien. On va revenir à la chanson d'un seul chanteur, c'est ce que je viens de dire. C'est Rudy Irigoyen et ça s'intitule Acapulco. Je me souviendrai d'Acapulco et j'entendrai comme un écho cette musique. Et sous d'autres cieux, loin du paradis que l'on trouve ici, je regretterai la volupté, l'enchantement des nuits d'été du Pacifique. Tous les jours heureux dont le souvenir ne saurait mourir. Quand la chanson du vent se mêle doucement au bruit de l'océan, de ces deux mélodies n'est une symphonie que jamais l'on oublie. Je me souviendrai d'Acapulco et qu'on voguera mon bateau du Mexique. Je n'aurai bientôt plus qu'un seul désir, c'est d'y revenir. Pays d'amour, depuis le premier jour, j'ai retrouvé par et j'entendrai comme un écho cette musique. Et sous d'autres cieux, loin du paradis que l'on trouve ici, je regretterai la volupté, l'enchantement des nuits d'été du Pacifique. Tous les jours heureux dont le souvenir ne saurait mourir. Soleil couchant, c'est un ravissement, c'est l'heure des amants. Les fleurs ont des couleurs, les femmes une fraîcheur qu'elles n'ont pas ailleurs. Je me souviendrai d'Acapulco et qu'on voguera mon bateau loin du Mexique. Je n'aurai bientôt plus qu'un seul désir, c'est d'y revenir. Acapulco, Acapulco. Le tango chinois maintenant par Bruno Clair et l'orchestre de Mario Melfi. Ça gratte toujours, j'allais le dire, mais il s'est arrêté en chemin. Je ne sais pas pourquoi. On va arrêter la plaisanterie là, donc il ne veut pas redémarrer. À l'endroit voulu. Et on va continuer avec Lisette Jambel, la petite Martiniquaise. Une petite Martiniquaise se moquait de son papa. Sans cesse, ne va pas au bal sans moi. Dans feu de la jeunesse. Ne voyant pas le danger, s'abriant de la sagesse, elle ne pensait qu'à danser. Papa, papa, t'en fais pas. Papa, papa, t'inquiète pas. Papa, prends pas ces terres-là. Papa, n'aie pas peur pour moi. Papa, papa, c'est 20 ans. On ne les a pas si longtemps. Papa, ne sois pas méchant. Fais pas pleurer ton enfant. La petite Martiniquaise un certain jour fut comblée dans la grande île antillaise. Un carnaval fut monté. Elle fit un si beau tapage que son papa lui céda au grand bal près de la plage. Le soir, il l'accompagna. Papa, papa, quel tableau. Papa, papa, comme c'est beau. Papa, papa, les bons goûts me font déjà froid et chaud. Papa, papa, assieds-toi. Papa, papa, ne bouge pas. Faut bien, papa, que j'essaie de danser le meringue. La petite Martiniquaise eut le plus grand des succès. Garçon l'invitait au matin seul sur sa chaise. Son vieux papa qui dormait eut soudain comme un malaise, car une voix lui répétait: papa, papa, mais tu dors. Papa, papa, tu as tort. Papa, papa, c'est fini. Papa, tu as trop dormi. Si ta petite fille chérie vient de trouver un mari, n'en fais pas une maladie. Conduis-la à la mairie. Tu n'as plus le choix aujourd'hui. Papa, papa, faut dire oui. Papa, papa, faut dire oui. Oui, oui, oui. Oh, dis oui, papa. Ah, c'est ça, les papas ne veulent pas dire oui. Eh bien, on va continuer. Au bal du petit Ajaccio, on ne danse pas le mambo, ni le bebop, ni la biguine, mais un vrai tango d'origine. Le tango corse, c'est un tango conditionné. Le tango corse, c'est de la sieste organisée. On se déplace pour être sûr qu'on ne dort pas. On se prélasse. Tango corse, c'est comme ça. Quand Dominique est fatigué de voir les autres travailler, il se donne un peu de repos. Juste le temps d'un petit tango. Le tango corse, c'est un tango conditionné. Le tango corse, c'est l'avant-goût de l'oreiller. Le Dominique se croit déjà en pyjama. C'est magnifique. Tango corse, c'est comme ça. Un jour, des musiciens du Nord ont joué trop vite et trop fort. Un vrai tango de salariés, on les a jamais retrouvés. Le tango corse, c'est un tango sélectionné. Le tango corse, pour les courages fatigués. Chacun s'étire en même temps que l'accordéon, et l'on soupire. Tango corse, que c'est bon. Quand à bout de force on va s'étendre une heure ou deux, tango corse. C'est encore là qu'on le danse le mieux. Anaïs et Didier Barle Bolivien, les mariés de Vendée. Et on poursuit bien sûr avec Aimé Barelli et son orchestre, Tout le monde danse. C'est la saison des chasses partout dans l'Alaska. Tout le monde danse tout de suite après les trappeurs de l'Alaska par Jacques Gauthier. Leur cri d'une voix forte, Billy le balafré, que le diable l'emporte, il faut nous préparer. Un claquement de fouet, allons en route, tout est prêt. Quand la lune luit, quand le jour s'enfuit, les trappeurs gaiement s'enfoncent dans la nuit. Les chiens esquimaux tirant le traîneau, tout en galopant font teinter leurs grelots. Et dans le ciel noir s'envole un doux chant d'espoir, Billy-o, Billy-o, hé-ho. Défiant le vent, le traîneau tout blanc, dans la nuit glisse silencieusement. Ça fait une semaine qu'ensemble ils sont partis. Ils ont quitté la plaine pour ce maudit pays. Suivant la piste blanche, ils marchent sans arrêt. La neige en avalanche tombe en flocons serrés. Un bon coup de whisky, ils vont de l'avant sans répit. Quand la lune luit, quand le jour s'enfuit, les trappeurs posent leurs pièges dans la nuit. Les chiens accroupis, sommeilleux sans bruit, près du feu qui chauffe leurs corps engourdis. Et dans le ciel noir s'envole un doux chant d'espoir, Billy-o, Billy-o, hé-ho. Entassant les peaux sur tous les traîneaux, les trappeurs songent à retourner bientôt. Dans la nuit. Oh oui. Everybody dance. Oh yes. Tout le monde danse. Oh oui. Dansez, dansez, bien cela. Tout le monde danse. Oh oui. Everybody dance. Oh yes. Tout le monde danse. Oh oui. Dansez, dansez, bien cela. Dansez, dansez. Tout le monde danse. Everybody dance. Tout le monde danse. Oh oui. Everybody dance. Oh yes. Tout le monde danse. Oh oui. Dansez, dansez, bien sûr. Bon en radio. 14h51, la pendule de radio arc-en-ciel. On continue jusqu'à 16h. Sans les gratouillous, parce que je suis parti de le dire. On va écouter maintenant Gilles Sala, Rome des Antilles. Rome des Antilles, c'est ça qui bon, c'est le meilleur. Si vous voulez voir ça, c'est condensé en bon biguine. Dans un flacon, il a présenté cette merveille. Qu'on prend un coup, qu'on prend deux ou qu'on prend trois. Réclamez donc un 50 d'âge Rome des Antilles. Pour satisfaire et tout de suite ou à la page. Le bureaucrate comme le manœuvre boulanger, pétre ou laboureur. Insistez pour Rome des Antilles, et universel. Tout partout c'est Rome des Antilles. Angleterre c'est Rome des Antilles. Canada c'est Rome des Antilles. Amérique c'est Rome des Antilles. Dans un flacon bien présenté, digestif comme apéritif, remplissant toutes les conditions, panique et meilleur. Rome des Antilles, c'est ça qui bon, c'est le meilleur. Si vous voulez voir ça, c'est condensé en bon biguine. Dans un flacon, il présente cette merveille. Quand on prend pour ou qu'il prend trois ou qu'il prend deux. Réclamez donc un secondage comme des Antilles. Pour satisfaire et tout de suite ou à la page. Le bureaucrate comme le manœuvre boulanger, pétre ou laboureur. Insistez pour Rome des Antilles, qui universel. Tout partout c'est Rome des Antilles. Angleterre c'est Rome des Antilles. Canada c'est Rome des Antilles. Amérique c'est Rome des Antilles. Tout partout c'est Rome des Antilles. Angleterre c'est Rome des Antilles. Canada c'est Rome des Antilles. Allez, on va passer à l'accordéon, ça marchera peut-être mieux, ça grattera peut-être pas. André Bergeron, le plus grand bal du samedi soir. Des souvenirs dans l'ancienne grille des programmes de Radio Arc-en-Ciel quand nous n'avions pas le virus, le petit bal du samedi soir. est belle sur Arc-en-Ciel. Eh bien, si la vie est belle sur Arc-en-Ciel, on va y rester sur le 96.2 et sur Internet, bien sûr. Stone et Chardin, quelques extraits. Le vent dans la nuit. comme il était mignon. Le petit renne au nez rouge, rouge comme aluminium. Son petit nez faisait rire, chacun s'en moquait beaucoup. On allait jusqu'à dire qu'il aimait boire un petit coup. Une fée qui l'entendit pleurer dans le noir, pour le consoler lui dit: viens au paradis ce soir, comme un ange nez rouge, tu conduiras dans le ciel avec ton petit nez rouge le chariot du Père Noël. Ses frères le virent d'allure céleste suivre très digne les routes célestes. Devant ses efforts, plus d'un reine resta. Papa, on l'appelait Nez Rouge. Ah, comme il était mignon, le petit reine au nez rouge, rouge comme un aluminium. Maintenant qu'il entraîne son char à travers les cieux, c'est lui le roi des reines et son effet des envieux. Vous fillettes et garçons, pour la grande nuit, si vous savez vos leçons, dès que sonnera minuit, ce petit point qui bouge ainsi qu'une étoile au ciel, c'est le nez de Nez Rouge annonçant le Père Noël. Et on va continuer avec Michel Sardou, Je reviens du sud, en duo, avec Chimène Badi. Michel Sardou. J'ai dans le cœur quelque part de la mélancolie, mélange de sang barbare et de vin d'Italie. À la campagne tiré par deux chevaux, un sentier dans la montagne pour aller puiser l'eau. J'ai au fond de ma mémoire des lumières d'autrefois qu'une très vieille femme en noir illuminait pour moi. Tout en pierre, que la mer a rongé. Au-dessus d'un cimetière où mon père est couché, je viens du sud et par tous les chemins j'y reviens. Je viens du sud et par tous les chemins j'y reviens. Et on continue, après être venu du sud, donc on va écouter Lina Margy, c'est à Hambourg. C'est à Hambourg, un soir de pluie, quand les nuages vont à pas lents, comme s'en vont les lourds chalands, le long des quais crevant d'ennui. C'est à Hambourg que je l'ai vue, dressée dans un manteau de brume, sa voix claquait comme l'écume, et parlait d'horizons perdus. C'est à Hambourg, à Santiago, à Whitechapel ou Bornéo, à Rotterdam ou à Frisco. C'est à Hambourg, un soir de pluie, à l'heure où la mer vient s'offrir au vent fort qui la fait gémir sous sa caresse chaque nuit. C'est à Hambourg que sur mon corps ses longues mains se sont posées, près des lourds cargos enchaînés qui sommeillaient auprès du port. C'est à Hambourg, à Santiago, à Whitechapel, Bornéo, à Rotterdam ou à Frisco. C'est à Hambourg, un soir de pluie, quand les navires quittent leur fer pour s'en retourner à la mer, que sur le port il s'est enfui. C'est à Hambourg qu'il est parti, dans le cri violent des sirènes, parmi des ombres incertaines, le long des qui est noyé de pluie. C'est à Hambourg, à Santiago, à Whitechapel, Bornéo. C'est à Hambourg, à Santiago, à Rotterdam ou à Frisco. C'est à Hambourg, c'est à Hambourg, c'est à Hambourg. Loulou Courchia, qui vient de nous quitter, Rosemary Polka. Rose Marie, faut voir comme tous les hommes répètent son nom. France le lundi avec Michel Prévost. Aujourd'hui. C'est pas le même Michel. Hein. On est en direct des studios de la chaîne Météo au domaine de Marcinval à Vernouillé près de Versailles et on a un point de vue sur la région centre. Tout de suite donc la chaîne Météo prioritaire. Dans quelques instants. Sur la chaîne Météo pour ce bulletin centre. Ce mardi matin, c'est bien automnal, très humide, avec souvent des averses, un ciel qui est très nuageux. Il ne fait pas frais le matin, en tout cas 12 à 13 degrés, puisqu'il y a pas mal de nuages. Mais regardez, dans l'après-midi, les températures évoluent peu. On gagne 2 à 3 degrés, on reste toujours 2 à 3 degrés, également en dessous des normales de saison, avec ce temps très changeant et très automnal. Pour votre mercredi matin, ça va être beaucoup de grisailles sous forme de nuages bas qui ont vraiment du mal à se dissiper dans l'après-midi. Au contraire, on pourrait même avoir encore quelques gouttes avec des températures, eh bien, à nouveau un peu en baisse, 14 à 15 degrés seulement, 16 quand même de maximum pour le Blanc ou encore du côté de Chinon. Suivez toute l'info. Très bien, et maintenant on tape dans ses mains. Eh bien, on va pas boire un petit coup, mais je vous invite à écouter l'orchestre de Ray Ventura et ses collégiens. Mmh. avons plutôt tendance à prendre la vie tristement. Et dans bien des circonstances, on s'affole inutilement. Quelle que soit notre malchance, dites-vous que ce n'est rien. Tout ça n'a pas d'importance, car si l'on réfléchit bien, ça vaut mieux que d'attraper la scarlatine. Ça vaut mieux que d'avaler de la mortora. Ça vaut mieux que de sucer de la naphtaline. Ça vaut mieux que de faire le zouave au pont de l'Alma. Dans le métro, quand il y a foule, on ne sait pas où s'accrocher. Et tandis que le train roule, on ne fait que trébucher. L'autre jour, quelqu'un s'exclame, mais vous m'attrapez les seins. Je lui ai répondu, madame, il n'y a pas de quoi faire ce potin. Ça vaut mieux que d'attraper la scarlatine. Ça vaut mieux que d'avaler de la mortora. Ça vaut mieux que de sucer de la naphtaline. Ça vaut mieux que faire le doigt pour pont d'Alma. On a la triste habitude de couper la queue des chiens. Des gens pleins de sollicitude trouvent que cela ne fait pas bien. Cette petite queue que l'on mutile dit quelqu'un, c'est pas joli. Mais d'une façon subtile, Blumenthal dit à Lévi. Ça vaut mieux que d'attraper la scarlatine. Ça vaut mieux que d'avaler de la mortora. Ça vaut mieux que de sucer de la naphtaline. Ça vaut mieux que faire le soir au fond d'Alma. Chez une vieille douairière de 60 ans bien sonnée, des bandits masqués entrèrent et voulurent la violenter. Le mari criait arrière, je préfère que l'on me tue. Mais brusquement la douairière lui dit d'un quoi de sa maltue. Mais voyons garçon. Ça vaut mieux que d'attraper la scarlatine. Ça vaut mieux que d'avaler de la mortora. Ça vaut mieux que de sucer de la naphtaline. Ça vaut mieux que de faire le soif au pont de l'Alma. Allons, ma fille. Oh, c'est à moi, vraiment. Comme on parlait de supplice dans un salon tricoté, quelqu'un dit aux îles Maurice, j'ai vu des gens empalés. Chacun dit, c'est sanguinaire, mais un jeune homme ravi s'écria, écoute ma chouette, si vous voulez mon avis, ça vaut mieux que d'attraper la scarlatine, ça vaut mieux que d'avaler la mortora, ça vaut mieux que de sucer la naphtaline, ça vaut mieux que de faire le soir au pont de l'Alma. Monsieur le chef d'orchestre, un soir au concert colonne éclata un grand scandale. Il y avait un trombone qui ne semblait pas normal. Le chef dit d'une voix rageuse, et nous jouons à nos airs, et vous vous jouez sans brémeuse. L'autre dit, qu'est-ce que ça peut vous faire? Ça vaut mieux que d'attraper la scarlatine. Ça vaut mieux que d'avaler le pont de l'Alma. Ça vaut mieux que du vinaigre dans les sardines. Ça vaut mieux que de faire le zouave chez Ventura. Jacqueline Dano nous interprète maintenant à 15h21 et 30 secondes. Jacqueline Dano, la ballade irlandaise. Un oranger sur le sol. Un jour de neige embaumé de lilas, jamais on ne le verra. Qu'est-ce que ça peut faire? Qu'est-ce que ça peut faire? Tu dors auprès de moi. Mais dans mes bras, quelqu'un d'autre que toi, jamais on ne le verra. Qu'est-ce que ça peut faire? Qu'est-ce que ça peut faire? Tu dors auprès de moi. de la rivière fleure la bruyère et ton sommeil est à moi. Un oranger sur le sol irlandais, on ne le verra jamais. La FM en couleur. En couleur. Et sur la FM en couleur, on va continuer, bien sûr, en compagnie de maintenant de Yves Duteil, prendre un enfant par la main. C'est Jackie Nogues et son accordéon. Jalousie. Jean Corti. Thank you. que M. André Rimbourg dit Bourville. Et ce sera salade de fruits. Ta mère t'a donné comme prénom salade de fruits. Oh, quel joli nom! Au nom de tes ancêtres havaïens, il faut reconnaître que tu le portes bien. Salade de fruits, jolie, jolie, jolie. Tu plais à mon père, tu plais à ma mère. Salade de fruits, jolie, jolie, jolie. Un jour ou l'autre, il faudra bien qu'on nous marie. Pendu dans ma paillote au bord de l'eau, y a des ananas, y a des noix de coco. J'en ai déjà goûté, je n'en veux plus. Le fruit de ta bouche serait le bienvenu. Salade de fruits, jolie, jolie, jolie. Tu plais à mon père, tu plais à ma mère. Salade de fruits, jolie, jolie, jolie. Un jour ou l'autre, il faudra bien qu'on nous marie. Je plongerai tout nu dans l'océan pour te ramener des poissons d'argent avec des coquillages lumineux. Oui, mais en échange, tu sais ce que je veux. Salade de fruits, joli, joli, joli. Tu plais à mon père, tu plais à ma mère. Salade de fruits, joli, joli, joli. Un jour ou l'autre, il faudra bien qu'on nous marie. On a donné chacun de tout son cœur ce qu'il y avait en nous de meilleur. Au fond de ma paillote au bord de l'eau, ce panier qui bouge, c'est un petit berceau. Salade de fruits, jolie, jolie, jolie. Tu plais à ton père, tu plais à ta mère. Salade de fruits, jolie, jolie. C'est toi le fruit de nos amours. Bonjour, petit. Et pour les amateurs maintenant de valse de Vienne, voici le beau Danube bleu par les djinns. Et l'orchestre de Paul Bonneau. Thank you.

Il y avait tant de lumière avec eux dans la rue. Alors la belle affaire, le nom du bal perdu. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est qu'on était heureux, les yeux au fond des yeux. Et c'était bien. On va terminer la mission en compagnie de Jean-Claude et son accordéon numérique, un pot-pourri de valse-musette. On va se quitter dans trois minutes. Je laisserai la place à Francky qui va arriver d'une minute à l'autre pour son émission After Job. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous retrouve dimanche prochain de 13h à 15h30 pour l'accordéon de nos régions. Bonne semaine à tous et à toutes.